bean. Passion pour sincèrement sa guigny. On est faux, perdu au cadre, tant pis au cadre, on fait en l'air. Gardez au denni, en pire ou pire avant au vin. Ça qui est juste, ça qui est trop tard. Mais c'est moins conseillé. On passe vidéo.